Activité 5, page 63. Piste 49. A. J'ai mal au ventre. B. Je suis encore fatigué. C. Je suis fatigué. Je me sens faible. D. Mon mal de tête est passé. Je me sens mieux.